Les regards changent dans la maison de Laban. Les murmures deviennent lourds et froids. L'abondance devient source de jalousie. Et tu dis à Jacob, retourne chez toi. Il part en secret avec ses familles. Rachel emporte des dieux sans le dire. Et les routes se tendent dans le silence avant que la vérité ne respire. Quand tu appelles au départ, la paix vient près la traverser. Quand tu dis pars, nous partons, même si la route tremble sous nos pas. Tu dresses ta garde dans la nuit et nul ne peut nous faire tomber ici bas. Quand tu dis pars, nous partons, car la promesse nous appelle plus loin. Même à travers la poursuite et la peur, ta main nous garde sur le chemin. La bande poursuit, mais tu lui parles. Tu mets une frontière à sa voix. Un pacte se grave entre deux. Et la paix devient une loi. Même les vols cachés sont révélés. Même les erreurs sont exposées. Mais tu ouvres encore une sortie quand les chaînes sont brisées. Quand tu dis pars, nous partons. Même si la route tremble sous nos pas. Tu dresses ta garde dans la nuit. Et nul ne peut nous faire.